Ouais mec, les vrais frères savent. On a raison d'être parano, ta vie. DJ Schlass. Parce que quand la merde arrive, c'est pas la poisse, poteau. C'est à cause des hommes. Alors on dit dans ces cas-là qu'il y a drap. J'ai l'impression que la street a mis un contrat sur ma tête. Ils aillent tous se faire mettre parce que je suis pas encore dead. J'ai du sang sous mes Iverson. Père brisé sur le sol, les tripes d'un type qui sera plus personne. Violence résonne et pronoté son l'heure d'un homme sonne son corps qui descend. Peu d'âmes saines ici, peu d'hommes saines, c'est trop peu de frères et de sœurs inspirés par les saints versets. On t'apprend que si t'affectionnes les révolutions ou les vies les donnes, vaut mieux que tu boques un big gun. Les fils de pute me mettent l'œil, je fuis le one-on-one. Ces chiennes veulent mon deuil, mais finissent tous sous mes pommes. J'avance, je marche comme Johnny Cotto Walker, fumant comme somme au bout de fuck, n'est que j'ai un gros cœur. Sous le roug of a gangster, parce que j'ai l'âme d'un quinf Che Guevara. Les motherfuckers veulent que je béton, les tapant et mettre mon sang sur le béton. Fils de tapin, incapable de faire du bon taf, même à 10 contre 1. Et si tout bille me remet sur pied, sur ma vie, je reviens. Yadra, faut que tu comprennes qu'on me baisse pas. Mon fut se baisse pas. Nigga Yadra, si jamais mes principes ne te font pas, alors ne reste pas. Nigga Yadra, si tu dois ma monnaie que tu payes pas, c'est tant pis pour toi. Nigga Yadra, si jamais mes principes ne te vont pas, alors ne reste pas. Depuis le hep so bled, que trop de hep sont dead. Ma vie c'est le contraire du club med, fucked up depuis le deb. Les anciens sauces devenus deb, suck des gays. Les papes, tous les yep, l'oseille, les changes en j'pep. Souvenir, souvenir, mais déjà à l'époque, c'était les mêmes qui balançaient aux flics, qu'on fait la bite au proc. Mon entourage se compose de types qu'on joue pas à perdre. Leur existence de la merde, t'arraches l'œil pour un peu d'air. Mais j'en vive avec des règles, et puis les suivre. Ils savent que s'ils zigzagent, leurs bouches auront des règles. Sortie de GAF, faut pas être bec, petit parle bien. Si ta pouca avait baissé d'aide pour toi avant le matin. Y'a trop de types qui se comportent en catin, trop de balles naves. Trop de balles tringues, tout ça c'est plein de baratins. Moi je mettrais tous ces fils de pute en string dans des baratins. Maquer les fions de tous ces pédés, je vois pas en quoi ça a l'air dingue. Yadra, faut que tu comprennes qu'on me baisse pas. Mon fils se baisse pas. Nigga Yadra, si jamais mes principes ne te font pas, alors ne reste pas. Nigga Yadra, si tu dois ma monnaie que tu payes pas, c'est tant pis pour toi. Nigga Yadra, si jamais mes principes ne te font pas, alors ne reste pas. L'industrie du disque me fait gaulerie, des rires jaunes, de sourire en sourire, chacun campé dans son rôle. Rien n'est vrai, tout n'est qu'illusion, amour de pacotille. Jusqu'au jour où je raque un clan d'eau pour trancher leur carotide. Il paraît que je mélange trop ma musique et ma vie. T'as pas compris, mec, moi je mens pas, ma musique c'est ma vie. Avec mes gosses, mon biz, mon bif. Et pour mes gens, le showbiz ne compte que si sniff, passer le flouze. Marre d'être spliff dans la bouche, tous dans les boots. À la merci des renouches pour pouvoir payer des couches. Faut que tu puisses visualiser mon putain d'état d'esprit. Pire qu'un quinri, ici c'est original qu'un free. Je perds pas, au pire on meurt tous. Les Champs-Élysées prendront des airs de Naplouse. Tu veux qu'on les fera? Bra, appelle-moi quand Yadra, motherfucker Yadra. Faut que tu comprennes qu'on me baisse pas. Mon fut se baisse pas. Nigga Yadra, si jamais mes principes ne te font pas, alors ne reste pas. Nigga Yadra, si tu dois ma monnaie que tu payes pas, c'est tant pis pour toi. Nigga Yadra, si jamais mes principes ne te vont pas, alors ne reste pas. Yadra, faut que tu comprennes qu'on me baisse pas. Mon fut se baisse pas. Nigga Yadra, si jamais mes principes ne te vont pas, alors ne reste pas. Nigga Yadra, si tu dois ma monnaie que tu payes pas, c'est tant pis pour toi. Nigga Yadra, si jamais mes principes ne te vont pas, alors ne reste pas. Mes gens des ligues sont audits, motherfucker, yeah. 92, Pont de Sèvres, on crie, motherfucker, yeah. 17ème zone nord, criez, motherfucker, yeah. Paris 19ème, vous faites, motherfucker, yeah. Paris 18ème, dites, motherfucker, yeah. Tous mes quartiers d'Île-de-France, crie, motherfucker, yeah. K.O.B. à Ali, DJ Schlass, c'est Saint-Joseph.